chanson numéro 6. Explore les abysses, vêtu de dentifrice, et des sucettes à l'anis. La chanson numéro 6 retentit dans les coulisses du culte gentiliste. Partout attise. Si vous grignotez des saucisses pendant le grand feu d'artifice, prenez garde à la police et à sa main verbalisatrice. Score à Tetris. N'abusez pas du blanc cassis, car la chanson numéro 6 contrôle la force de Coriolis.